Chapitre 2. Bordure extérieure, système Hetzal. ...2h30 avant l'impact. Le ScanTech de 3e classe Merven Getter était prêt. Prêt à pointer la fin de sa journée, prêt à ramener la navette dans le système interne, prêt à se précipiter à la cantina à quelques rues du spatioport sur la lune Racine, là où Sela servait au bar, prêt à voir si aujourd'hui, enfin, il aurait le courage de l'inviter à sortir avec lui. C'était une Twi'lek et lui un Myrialan. Mais quelle différence au bout du compte. Nous sommes tous la République. C'était le slogan de la chancelière Sceau. Mais les gens y croyaient. Et à vrai dire, Merven avait bien l'impression d'y adhérer lui aussi. Les attitudes changeaient, les possibilités étaient infinies. Et peut-être qu'une de ces possibilités concernait un certain ScanTech de 3e classe, affecté à une station d'observation à la limite de l'écliptique du système Hetzal, lui-même à un sacré bout de chemin des frontières de la bordure, désespérément isolé des lumières éblouissantes et des mondes fascinants du noyau de la République. Peut-être que ce ScanTech de 3e classe, qui passait ses journées à fixer des holo-écrans, à identifier des vaisseaux sortant du système ou y entrant, parviendrait à attirer le regard de l'adorable femme à la peau violette qui lui servait une chope de bière locale 3 ou 4 soirs par semaine. Sela restait généralement bavarder avec lui un moment entre deux clients avant de retourner servir ceux qui venaient faire une petite escale dans sa modeste taverne. Elle paraissait trouver ses récits de la vie à la limite du système inexplicablement passionnants. Merven ne comprenait pas cette fascination. Parfois, des vaisseaux surgissaient à l'intérieur du système, ils émergeaient spontanément de l'hyperespace et apparaissaient alors sur ses écrans, et d'autres fois, c'était des vaisseaux qui partaient, et leurs petites icônes s'éteignaient sur ses moniteurs. Il ne se produisait jamais rien d'intéressant. Les plans de vol lui parvenaient à l'avance, et il savait généralement ce qui allait entrer ou sortir. Sa responsabilité se limitait à s'assurer que chacun respecte les plans en question. Guère plus. Dans le cas très improbable où quelque chose d'inhabituel se produirait, il se contenterait d'en avertir des personnes bien plus importantes que lui. Le ScanTech de 3e classe Merven Getter passait ses journées à regarder des gens voyager, alors que lui, au contraire, restait figé. Mais peut-être pas aujourd'hui. Il pensa à Sela. Il pensa à son sourire, à sa façon de décorer ses lécous de lassage qu'elle affirmait concevoir elle-même, à la manière qu'elle avait de laisser en suspens quoi qu'elle fasse pour lui verser une chope de bière au moment où il entrait, sans même qu'il ait besoin de demander. Ouais, il allait l'inviter à dîner. Ce soir. Il avait économisé et il connaissait un endroit pas trop loin de la cantina. Pas trop loin de chez lui non plus, mais il ne voulait pas brûler les étapes. Il suffisait qu'il finisse cette foutue journée de travail. Merven jeta un coup d'œil à sa collègue, la ScanTech de 2e classe, Vel Karan. Il aurait voulu lui demander s'il pouvait quitter le travail un peu plus tôt et sauter dans la navette pour la lune Racine. Elle était en train de lire quelque chose sur un datapad et semblait captivée. Sans doute l'une de ces histoires d'amour entre Jedi dont elle était folle. Merven ne comprenait pas cette obsession. Il en avait lu quelques-unes. Toutes se déroulaient dans des avant-postes aux confins de la République et abondaient en passions non réciproques et en regards langoureux. La seule action résidait dans les affrontements au sabre laser qui remplaçaient de toute évidence les activités auxquelles les personnages souhaitaient réellement se livrer. Vel n'était pas censé lire des documents personnels à son poste, mais si Merven le lui faisait remarquer, il suffisait à sa collègue d'une pression sur l'écran pour basculer sur un manuel technique et prétendre qu'elle ne faisait rien de mal. Le problème tenait au fait qu'elle était 2e classe et lui 3e classe. Tant qu'il s'acquittait de son travail, elle se croyait dispensée de faire le sien. Non. Cela ne valait même pas la peine de demander à sortir plus tôt. Pas à Vel. Il arriverait à supporter le reste de sa journée. Il ne restait pas longtemps et... quelque chose apparut sur l'un de ses écrans. « Oh !» fit Merven. Bizarre. Rien n'était censé entrer dans le système avant une 20aine de minutes. Le moniteur afficha autre chose, plusieurs autres choses, 10. Qu'est-ce que... marmonna Merven. Un problème, Gaeter? Sans qu'Yvel s'en détachait les yeux de son écran. Je ne sais pas trop. Je vois tout un tas d'entrées non planifiées dans le système, et les points ne ralentissent pas. Attends, quoi? S'exclama Vel en posant son datapad pour enfin consulter ses propres moniteurs. Oh, ça c'est vraiment bizarre. D'autres icônes surgirent sur les écrans de Merven, trop nombreuses pour qu'il les dénombre au premier coup d'œil. À cette vitesse? S'étonna Merven. Depuis l'hyperespace? Je me demande... Lance une analyse. Vois si tu peux les identifier. Un silence éloquent lui répondit. Merven leva les yeux. Je ne sais pas comment faire, déclara Vel. Après la dernière mise à jour, je n'ai jamais pris la peine d'apprendre à utiliser le système. Apparemment, tu maîtrisais les opérations et tu sais, je ne suis là que pour te superviser et... D'accord, la coupa-t-il, absolument pas surpris par cette réponse. Tu peux suivre leur trajectoire au moins. Ce sous-programme n'a pas changé depuis au moins 2 ans. Ouais, fit Vel. Je peux faire ça. Merven reporta son attention sur les affichages et commença à taper des commandes sur son clavier. 42 anomalies se trouvaient désormais dans le système et se déplaçaient à une vitesse proche de celle de la lumière, c'est-à-dire à une vitesse stupéfiante, bien au-delà des limites autorisées par le règlement de sécurité. S'il s'agissait bel et bien de vaisseaux, une amende particulièrement salée attendait les pilotes. Mais Merven en doutait. Ils étaient trop petits pour commencer. Et ne présentait pas la signature caractéristique des moteurs spatiaux. Des astéroïdes alors? Des rochers de l'espace projetés dans le système pour une raison mystérieuse? Une sorte de tempête cosmique insolite ou une pluie de comètes? En tout cas, cela ne pouvait pas être une attaque. Il le savait. La République était en paix, une situation qui allait manifestement durer. Tout le monde y était heureux et vivait sa vie, la République fonctionnait efficacement. En outre, le système Hetzal n'abritait pas de cible stratégique. Cet ensemble de planètes ordinaires, composé du monde premier et de ses 2 lunes habitées, la lune fruit et la lune racine, se focalisait essentiellement sur la production agricole. Il comprenait bien quelques géantes gazeuses et autres cailloux gelés, mais au bout du compte, son intérêt se limitait à abriter une bonne quantité de fermiers et ce qu'il faisait pousser. Merven savait cette activité importante. Hetzal exportait de la nourriture dans toute la bordure extérieure, et une partie de sa production parvenait même jusqu'au système proche du noyau. Et il y avait aussi ce truc, le Bacta, sur lequel il avait lu des articles. Une sorte de successeur miraculeux du Juvan qu'il tentait de faire pousser sur le monde premier, et censé révolutionner la médecine s'il parvenait à le produire en quantité. Mais bon, tout cela restait des plantes, rien de plus. Difficile de s'enthousiasmer pour des plantes. En ce qui le concernait, le véritable tour de force de Hetzal consistait à avoir donné naissance à la célèbre experte en chant de branchies, Iloria Dez, capable de moduler les vibrations de ses cordes vocales pour produire des mélodies à 6 parties chantées en harmonie. Associée à une vivacité d'esprit envoûtante et unique, le don de cette chanteuse née dans la misère, mais désormais riche, l'avait rendue célèbre dans toute la République. Mais Iloria ne vivait même plus ici. Elle habitait sur Alderaan maintenant, avec les gens chics. Hetzal ne possédait rien de vraiment précieux. Ça ne faisait aucun sens. Une autre nuée d'objets apparut sur les écrans, si nombreux à présent, que l'ordinateur avait du mal à les suivre tous. Merven dézooma, passant à une vue du système tout entier, qui permettait d'y voir plus clair. Il constata que les mystérieux objets ne se contentait pas de pénétrer à l'intérieur du système depuis la zone d'accès hyperspatiale sécurisée. Il surgissait de partout, et certains s'approchaient affreusement de... « Oh non !» souffla Vel. « Je le vois aussi !» dit Merven. Il n'avait même pas besoin d'effectuer une analyse de trajectoire. Les anomalies se dirigeaient vers les soleils, et nombre d'entre elles allaient emprunter une trajectoire croisant des mondes habités ou leurs stations orbitales. Et elle ne ralentissait pas. Pas du tout. Propulsée à une vitesse proche de celle de la lumière, peu importait finalement qu'il s'agisse d'astéroïdes, de vaisseaux ou de bâtons de sucette, tout ce qu'elle touchait allait... être pulvérisés. Sous les yeux de Merven, deux des objets percutèrent un satellite de communication télécommandé. L'anomalie et le satellite disparurent tous deux de l'écran et la galaxie y gagna un petit surplus de poussière spatiale. Hetzal Prime était un astre assez grand pour encaisser quelques impacts de ce genre et survivre en tant que corps planétaire. Même les deux lunes habitées supporteraient sans doute un ou deux chocs. Mais ceux qui y vivaient... Cella se trouvait sur la lune Racine en ce moment même. « Il faut qu'on fiche le camp d'ici, » dit Merven. « On est pile dans la zone cible, et il en apparaît de nouveau chaque seconde. Allons à la navette. »« D'accord, » répondit Vel dont la voix reprenait un semblant d'autorité. « Mais on doit d'abord envoyer une alerte dans tout le système, il le faut !» Merven ferma les yeux un instant puis les rouvrit. « Tu as raison, bien sûr. » « L'ordinateur a besoin de nos deux codes d'autorisation pour activer l'alerte dans tout le système !» ajouta-t-elle. « À mon signal !» Elle tapota quelques commandes sur son clavier. Merven l'imita puis attendit son ordre. Lorsqu'elle lui adressa un petit signe, il entra son code. Un son d'alarme léger se mit à tinter dans la salle des commandes lorsque le message partit. Merven savait qu'un bruit semblable était en train de résonner dans tout le système Hetzal, depuis les chalands qui transportaient les déchets jusqu'au palais du ministre sur le monde premier. 40 milliards d'habitants levaient la tête effrayés. Parmi eux, une adorable Twi'lek à la peau violette qui se demandait sans doute si son Myrialan préféré passerait à la taverne ce soir. Merven se redressa. On a fait notre travail. À la navette maintenant. On peut envoyer un message pour expliquer la situation en chemin. Vel acquiesça et s'extirpa de son siège. Oui, dépêchons-nous de... Un des objets surgit de l'hyperespace, si près et à une telle vitesse qu'en termes astronomiques, il se trouvait déjà sur eux au moment de son apparition. Une boule de feu, et l'anomalie disparut avec la station de surveillance, ses deux Scantec, et tous leurs objectifs, leurs craintes, leurs compétences, leurs espoirs et leurs rêves, l'énergie cinétique de l'objet atomisant tout ce qu'il touchait en une fraction de seconde.